Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Bonjour et bienvenue sur Fadjet pour votre chronique Au fil de l'eau en compagnie de François. Bonjour François. Salut à tous. Chargé de développement pour la Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Et ce mois-ci, nous accueillons également Christophe Château. Bonjour. Bonjour. Qui est ambassadeur national pour l'association Team River Clean. On va découvrir tout ça en votre compagnie. On vous avait déjà reçu d'ailleurs pour parler d'une école de pêche. Pour parler de l'APN de Jarville, c'est ça. Voilà, et le podcast est toujours disponible, donc n'hésitez pas d'aller écouter ça. Team River Clean, ça existe depuis 2019, je crois, l'association au niveau national. Hein, elle a été créée à Toulouse en 2018. 2018 même, voilà, ouais. À Toulouse, donc c'est Pascal Levigne, le président national, un pêcheur. Ils se sont dit, c'est vrai que les pêcheurs, quand on va au bord de l'eau, on voit pas mal de déchets. Donc pourquoi ne pas créer une association pour faire ce qu'on fait individuellement ? Donc, créer une association pour faire le ramassage collectif des déchets qu'on trouve au bord de l'eau. Voilà, parce que c'est exactement ça le but, l'objectif premier de cette association, hein, n'est-ce pas François ? Oui, tout à fait. Alors, on rappelle que les structures associatives agréées de la pêche de loisirs, que sont les AAPPMA et les fédérations, n'ont pas forcément l'objet dans leur statut de ramasser les déchets. Alors, comme disait Christophe, hein, c'est vrai que les pêcheurs, c'est nous qui sommes au bord de l'eau tous les jours. Les pêcheurs sont des sentinelles du milieu aquatique, donc c'est eux qui préviennent sur les pollutions, les braconnages, tous les actes d'agression au milieu aquatique. Mmh. Mais tu disais, Christophe, chacun individuellement, on ramasse un petit peu nos déchets. Alors, nos déchets évidemment, mais aussi ceux des autres. Hein, on a tous un peu des fois un petit sac, un truc comme ça. Et c'est vrai qu'il y a une cette fameuse association Team River Clean, hein, donc Team comme équipe, River comme les rivières, voilà. Et Clean comme cleaning, donc c'est de l'anglais. Donc on a nettoyer. On a fait ce nom anglais parce que ramassage des rivières, c'est pas trop. Mais c'est surtout qu'on est parti d'une petite association qui était à Toulouse. On a récupéré pas mal d'ambassadeurs maintenant sur la France. Et maintenant, on est aussi au Canada, en Belgique, en Martinique. Oui. Donc, on commence à se développer. Donc, on a dit directement, on prend un nom qui va bien, Team River Clean. Ça passe partout. Voilà, ça parle à tout le monde. Et c'est des pêcheurs, donc, à l'origine. Alors, à la base, on va dire 95%, c'est des pêcheurs. On a des marcheurs, on a des gens qui font du vélo, on a... Des gens qui aiment la nature en général. C'est ça, des amoureux de la nature qui constatent au quotidien que il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément aussi amoureux de la nature qu'il le faudrait. Oui, c'est ça. Puis je me permets, c'est vrai que les cours d'eau sont des voies malheureusement naturelles d'emport de déchets parce qu'il y a tous les rejets, les eaux pluviales. Vous jetez. Alors il faut savoir aussi que demain vous jetez votre papier à la poubelle. Vous mangez une barre chocolatée emballée dans un paquet en plastique. Vous jetez ça dans une poubelle qui est déjà à moitié pleine en ville. Vous avez fait l'acte citoyen de jeter votre déchet dans une poubelle. Il y a du vent, il y a des corbeaux, c'est bien, c'est de la biodiversité urbaine, tout ce que vous voulez, ce papier-là, il peut s'envoler sans que ce soit un acte aussi volontaire et malveillant, on va dire. Et il pleut et se retrouver dans le système d'eau pluviale et se retrouver, en tous les cas, dans la rivière, quasiment, c'est la rivière qui est le réceptacle d'un peu tous les déchets. Donc, évidemment, il y a des actes malveillants. Les pêcheurs eux-mêmes, des fois, sont pas les plus propres, il faut être lucide, mais c'est pas que les pêcheurs, ça c'est important aussi de le dire, et en grande majorité, c'est pas des déchets de pêche, on est d'accord, il y a de tout. On voit vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Ça va de la boîte d'asticots pour les pêcheurs au paquet d'amorce, ou après le fléau, c'est les mégots de cigarettes, parce que ça, c'est 500 litres d'eau et 12 ans, la destruction pour un mégot. Mais ça va de tout, on va du produit ménager, on va de la poubelle normale, les lingettes qu'on retrouve beaucoup. Alors ça, les lingettes, c'est terrible. Ils jettent ça dans les toilettes, ça part à la station d'épuration, la montée des eaux fait que c'est rejeté à un moment ou un autre dans une rivière, et puis... Ça, c'est important de dire aux gens qui nous écoutent de absolument pas jeter leur lingette nettoyante dans les toilettes, mais bien à la poubelle, parce que dans les toilettes, ça... On a fait deux interventions sur France 3, justement, l'année dernière et il y a 2 ans, sur les lingettes qu'on retrouvait à Nancy. Donc, il y a eu 2 émissions là-dessus. c'est catastrophique. Voilà, ouais. il faut que les gens soient au courant. C'est toujours pareil, c'est de l'information. Hein. La personne qui jette sa lingette dans les toilettes n'est pas forcément au courant, c'est pas forcément exprès. Et voilà, mais ça passe par justement de l'information. Il y a cette pollution visuelle, il y a aussi les risques aussi pour la nature, et les poissons qui peuvent être amenés de manger des déchets plastiques, choses comme ça. Ça aussi, c'est un impact assez important. Les mégots, les lingettes. Mm-hmm. Donc ça, justement, dans la période de reproduction, hein, le cendre, admettons, je prends le cendre comme ça, François pourrait le dire, lui, il défend son nid. Il voit un déchet qui passe devant, il défend, il va le choper. Hein, ça, il va défendre, que ça soit n'importe quoi, il va le choper. Donc, mortalité, non-fécondité, voilà, ça peut aller sur plein de choses. Il y a les poissons et puis il y a tous les autres animaux inféodés au milieu aquatique. Hein, on peut penser aux batraciens, aux oiseaux, aux mammifères hein, qui sont impactés par les déchets humains au bord des cours d'eau comme partout ailleurs dans la nature. Hein. Donc l'association Team River Clean, bien sûr, ne peut pas tout faire. Comment ça se passe concrètement? Vous organisez des temps de collecte Alors nous, en tant que pêcheurs, à chaque sortie qu'on fait, on a créé un petit sac. On a fait notre petit sac propre de la Team River Clean qui contient à peu près 8 litres. Donc on a ça sur nous, c'est le format comme un caouet. Hein. Il s'accroche avec un petit badge, un petit mousqueton. Quand on va au bord de l'eau, systématiquement, quand on fait notre partie de pêche, que ce soit au leurre, sur le retour, on arrête de pêcher, on ramasse. Mmh. Donc systématiquement, on va pas dire systématiquement, on remplit un sac, mais presque à chaque fois. Et après, on fait ce qu'on appelle des ramassages collectifs. Donc ça, on en fait en moyenne un, voire deux par trimestre, du gros ramassage. Oui. Là, le prochain, c'est le 8 avril à Ingeray. Donc là, on se réunit entre 20, 30, 40 personnes et on fait un nettoyage complet d'une berge sur la rivière. Et en quantité, ça représente quoi quand vous faites un ramassage? Alors, comme ça, vous avez mesuré un peu? Je prends toujours un exemple qu'on a fait à Ciré-sur-Vezouze. Oui. Ciré-sur-Vezouze, une matinée, il y avait 15 mètres cubes de déchets, une vingtaine de personnes. Dans une rivière première catégorie. 15 mètres cubes. 15 mètres cubes. Je ne sais pas si c'est facile de se représenter des fois, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, là, oui. Et en combien de temps? En une matinée? En une matinée, oui. 20 personnes, 15 mètres cubes, c'est impressionnant. Et sur une portion de quelle distance à peu près? On a fait le Val, on a fait, il y avait, on va dire, 4-5 kilomètres en tout. Voilà, si on ramène ça à toute la distance que représentent nos rivières, c'est impressionnant tout ce qui peut être ramassé. Et puis on trouve de tout. Vous avez parlé des lingettes, des mégots de cigarettes, des canettes. Mais on trouve des choses un peu insolites, je suppose, des habits. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Des canapés. Je peux le dire, oui. Il y a un ami à moi sur la Team River Clean des Savoies. Donc lui, il a trouvé carrément un surf dans la rivière. Un surf. Donc ça venait déjà plus haut sur les pistes. Mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'il a trouvé un sac rempli de jouets féminins. Au bord de la rivière. Ah, c'est quelqu'un qui n'assumait pas, mais bon, c'est quand même dommage de jeter. Il y a des objets insolites, c'est vrai. Effectivement. Et donc là, vous avez à disposition des sacs qui sont réutilisables. Hein. C'est des sacs recyclés, c'est ça, en papier. C'est fait en matière recyclée. Il est recyclable à l'infini et lavable. Donc là, c'est les pêcheurs en ont, mais un promeneur, des randonneurs. Alors nous, aussi on a nos sacs, on fait des salons, on fait des interventions dans l'année, comme le salon de Strasbourg, le salon de Clermont-Ferrand. Mmh. On vend nos sacs. On a ça aussi sur les ambassadeurs ont chacun dans leur département des sacs à vendre. Ils sont à 2 euros le sac, et puis on peut les faire floquer au nom de l'association. Donc là, moyennant un petit peu plus, bien sûr. Bien sûr. Notre but futur, c'est justement ça à voir avec les fédérations, les APPMA. Nous, on a pensé au départ, c'est est-ce que c'est faisable? Oui, j'espère. Mais si avec la Fédération nationale, on arrivait par la suite à avoir le but d'avoir un sac donné à chaque pêcheur qui achète sa carte, ça serait vraiment bien. En disant justement que chaque pêcheur qui achète a un sac pour ramasser. Pour responsabiliser encore plus. Voilà, c'est ça. Hein, les pêcheurs. Il y a des choses auxquelles il faut faire attention aussi quand on doit ramasser comme ça des déchets dans la nature. Il faut quand même être un peu prudent. Donc on a des pinces, on a les gants, on a des boîtes parce que ça arrive aussi malheureusement de retrouver des seringues. Oui, c'est ça. Du verre, voilà. Donc on travaille aussi avec des enfants. Donc on a chacun nos points de sécurité, on va dire. D'accord. Et les sacs, après, vous en faites quoi? Sac de la team, il est réutilisable à chaque fois. Donc quand on l'a sur soi, on le remplit. On le vide dans une poubelle, on fait le tri bien sûr et on jette, et quand on fait nos ramassages collectifs, on fait le tri sur place Et on emmène tout en déchetterie. Ouais. Le prochain collecte, ce sera le 8 avril à Ingres, c'est ça ? Le 8 avril à Ingres, c'est ça. Et pour y participer, si des auditeurs nous écoutent, ou alors vouloir même organiser des choses près de chez eux, pourquoi pas ? Comment on fait ? Voilà, alors nous, on a notre page Facebook, on est sur tous les réseaux. Hein, on a Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Voilà, on est sur tous les réseaux. Donc, ils peuvent nous contacter sur les réseaux. Et puis, nous, on donne le point de rendez-vous, les heures, ce qu'on fait. Et, voilà. Et au même titre que si vous constatez un amoncellement de déchets particulièrement important près de chez vous ou lors de vos promenades au bord de l'eau ou lors de vos parties de pêche, vous pouvez aussi contacter l'association via Christophe qui pourra éventuellement, alors selon les disponibilités des uns et des autres, parce qu'encore une fois c'est du bénévolat, c'est de l'associatif, donc gloire à eux, et c'est aussi une belle mise en lumière et c'est quand même très très important à un moment donné qu'il y ait des personnes qui donnent de leur temps libre pour l'intérêt collectif et l'intérêt écologique. Et voilà, donc vous pouvez contacter Christophe si vous constatez malheureusement un tas de déchets importants. Alors, pour ça, on a une application téléphonique aussi, ça s'appelle Trash Potter. Tout le monde peut la télécharger. Vous prenez une photo de l'endroit où vous voyez les déchets. Vous prenez la photo, vous renseignez quelques trucs dessus en disant le nombre, si c'est accessible ou pas, si c'est du plastique, du verre, voilà. Et nous, on reçoit une notification avec le point GPS pour nous dire où il se situe. Et donc là, on organise par rapport à... On fait une collecte et puis on va ramasser. Ouais. Vous travaillez aussi avec les collectivités locales en lien On travaille avec les villes. Oui. Avec la PPMA, la FEDE, on essaye de faire avec beaucoup. Oui, parce que parfois, vous pouvez être témoin aussi des décharges sauvages. Voilà. Parfois, il y a certains artisans pas un peu scrupuleux qui vont un peu dans la nature pour vider des choses comme ça. Ça, vous ne pouvez pas tout faire non plus. Non, c'est sûr. Donc on fait aussi, nous à Jarville, je parle de Jarville parce que je suis de Jarville, on fait ville sans mégots. On fait des journées où on ramasse les mégots à plusieurs, parce que le mégot, il va partir, comme il disait François tout à l'heure, les eaux pluviales, ça part dans les égouts, ça part dans une rivière et on le retrouve dans la mer, hein, dans les océans. Ça. Et donc on fait ville sans mégot, on fait des ramassages collectifs aussi dans d'autres villes, et on passe à travers les jeunes dans les centres de loisirs. Oui. Voilà, donc on intervient dans les écoles, dans les centres de loisirs, les MJC. On leur fait bien souvent le matin des cours théorie et on leur montre la pollution, le déchet en eux-mêmes, le tri. Et l'après-midi, on fait un ramassage avec eux. Donc là aussi, si des enseignants nous écoutent, ils peuvent vous contacter pour organiser des Tout ateliers à fait, comme voilà. ça. Parfait. Une belle initiative donc, de Team River Clean. Et bien sûr, au quotidien, sans forcément... chacun peut avoir un sac et puis ramasser quelques petites choses lors de ses balades. Hein. C'est tout à fait possible encore. Hein. Exactement. C'est les... Et pas que les pêcheurs, hein, c'est ce que je disais. Il y a aussi bien personne qui va partir en vélo, qui va faire de la marche, qui fait de la randonnée. Il peut avoir son petit sac et ramasser en revenant. Voilà. Si chaque utilisateur de la nature ramassait ne serait-ce qu'un déchet lors de sa promenade, ça ferait quand même quelques millions de choses ramassées. On tient un tableau national, c'est moi qui m'en occupe. Tous les ambassadeurs m'envoient leur ramassage. On va dire, on n'est pas à 100% noté. Il y en a beaucoup d'oublis. L'année dernière, on était à 80 tonnes ramassées sur la France. 80 tonnes ramassées, c'est assez impressionnant, donc il y a vraiment de quoi faire et c'est une sacrée belle initiative dans la Team River Clean. Donc pour y participer, on retrouve bien sûr facilement sur les réseaux sociaux. Vous l'avez dit, on retrouvera ça également sur le site de la radio. Une dernière question peut-être, François, sur la Team River Clean ? Une dernière remarque peut-être ? Alors non, mais on rappelle que justement la Team River Clean vend ses sacs donc 2 euros, donc tout le monde peut les acheter, les particuliers, les associations, les collectivités, ils sont pas... ils sont pas difficiles sur la clientèle, c'est normal. Et évidemment, ça permet de financer le fonctionnement de l'association. Donc voilà, n'hésitez pas aussi. Le fait de ramasser soi-même un déchet, c'est déjà un petit geste pour la nature. Le fait d'acheter un sac aussi, c'est un petit geste pour la nature à travers le soutien à l'association financier, parce qu'à un moment donné, ça passe aussi par là. Voilà, c'est sûr. Et puis les recherches de partenaires, on prend tout, il n'y a pas de problème. Oui, voilà. On peut acheter aussi 100 sacs d'un coup. Hein. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Qu'on n'hésite pas. Merci beaucoup Christophe Château, donc ambassadeur national pour la Team River Clean. On n'a pas fini François, puisqu'il y a un événement important bien sûr ce mois de mars, c'est le 11 mars à 6h44 précise. Qu'est-ce qui se passe ? Et oui, qu'est-ce qui se passe le 11 mars ? Alors le deuxième samedi de mars, on devrait le savoir maintenant, c'est l'ouverture de la pêche de la truite. Ça correspond à la permission de pêcher dans les rivières de première catégorie, on en parlait. Les rivières de première catégorie sont les rivières qui abritent des truites fario à l'état naturel en termes de population et qui sont fermées à toute forme de pêche entre septembre et mars, justement, pour permettre à ces truites-là de se reproduire tranquillement. Donc voilà, deuxième samedi de mars, là c'est le 11 cette année, les pêcheurs peuvent retourner au bord de l'eau dans les cours d'eau de première catégorie et constater que il y a plein de déchets. Non, je rigole. que c'est le printemps. Bientôt le printemps, oui, et que on peut aller retourner à la pêche. Alors, petit point de réglementation en première catégorie. Donc, toutes les techniques de pêche sont autorisées à partir de l'ouverture du 11 mars. Donc, on a le droit de pêcher au leurre, au mort-manié avec des petits verrons. Ça marche bien. On a déjà parlé un petit peu des techniques. La pêche est limitée à une seule canne. D'accord. Évidemment, tout le monde le sait. Il faut avoir acheté sa carte de pêche. Bien entendu. 2023. Et puis, on a aussi dans les cours d'eau de deuxième catégorie des associations, la plupart d'ailleurs, qui procèdent à des déversements de truites pour permettre, voilà, c'est symboliquement, c'est l'ouverture de la truite. Donc, même si à l'état naturel, il n'y a pas de truite, alors dans le canal ou dans la Meurthe, là, à côté de Nancy ou dans la Moselle, les associations déversent des truites. Donc, ces points d'empoisonnement-là sont cartographiés sur une carte interactive qui est visible sur le site de la Fédé. Oui. On rappelle, www.pêche-54.fr. Voilà, c'est fait pour une pêche un petit peu plus commode, on va dire, un petit peu plus accessible. Un rappel réglementaire, c'est pareil, le brochet reste fermé, donc en deuxième catégorie, on n'a pas le droit de pêcher au leurre, à la cuillère, au vif, au poisson mort, tout ce qui est technique susceptible de l'attraper de manière non accidentelle, notre ami le brochet, on oublie, donc on pêche la truite en deuxième catégorie, au ver, de terre, à la teigne, ils font des pâtes à truite, la fluo ou pas, avec des paillettes, enfin, allez au magasin de pêche. Ça c'est pour le samedi soir, ça. Ils vous expliqueront, voilà. Et puis, donc tous les renseignements sont dispo sur le site de la Fédé. Parfait, et aussi l'ouverture sur le lac du Père Percé pour les Corégones. Exactement, ça correspond à la même date, c'est le 11. Donc la pêche du Corégone, on le rappelle, se pratique à Pierre Percé, parce que c'est là qu'il y en a. C'est un poisson qui vit dans les grands fonds, c'est ce qu'on appelle le lavaret ou le ferrat, dans les lacs alpins, si vous allez des fois en Savoie, en Haute-Savoie, au lac Léman en Suisse, ou dans le Jura, il y en a aussi. Mais c'est vrai que chez nous, c'est le Corégone, c'est la même espèce, donc c'est un poisson qui vit assez profond et qu'on pêche quand même beaucoup à la verticale. On avait déjà fait une chronique là-dessus, il me semble, Yves. Mais on pourra peut-être reparler un petit peu de la technique de pêche du corégone, c'est assez rigolo. Voilà, on pêche ça avec des petites gambes, c'est un train de mouches, de petites nymphes qu'on fabrique avec des hameçons là, qui imitent des petites larves d'insectes. Ils se nourrissent de ça, donc voilà. On en reparlera sans doute. Merci beaucoup François, merci encore à Christophe Château pour la Team River Clean. Et on prend soin de la nature et puis on en profite surtout. Eh bien ouais, bonne ouverture à tout le monde. Et puis on se retrouve pour parler de la carpe et puis du brochet. Ça marche, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique.